suis le capitaine. Coffre. Je suis le capitaine, dans le rap c'est la merde, je vais remettre de l'ordre. Je suis à 2-20 dans la L2, je vais chercher la frappe dans le quartier nord. Minimum c'est le disque d'or, sale pute, casse-toi, tu n'es plus des nôtres. Dans l'équipe y'a que des variants, sont des bonheurs, allez nique tes morts. Gros, allez nique tes morts. Plage t'as les catalans, la drogue vient de Ketama. La sable vient de Milano, Gucci, Dolce & Gabbana. Ma daronne elle est sérieuse de moi, gros j'ai rien fait de mal, je fais partie des meilleurs. Le manque de main il nous rendra animal, personne n'arrête les balles sauf Manuel Neuer. Je leur ai donné mon temps, mais j'ai perdu mon temps. Ils sont jamais contents, ils sont jamais contents. Y'a des hazis au quartier. Aujourd'hui, maintenant ça rigole plus, on va faire joujou. Santé, bonheur. Posé dans la Audi, j'ai branché une gadi. Je lui dis que je connais Dieu. C'est Marseille, bébé, fils de peur de moi, personne va t'aider. Rapta, j'arrive en pégé. AK-47, bébé, tu peux enquêter, mais pas empiéter. Nous on a guetté, autant hiver été, charbon dans le BT. Mais on s'est fait péter, l'avocat a plaidé. Coupable, allez nique tes morts. Je leur ai donné mon temps, mais j'ai perdu mon temps. Ils sont jamais contents, ils sont jamais contents.